بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، nous continuons inshallah ta'ala l'explication de ce livre extraordinaire Riyad al-Salihin, écrit par al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés au deuxième chapitre, Babu Tawba. Babu At-Tawba, le chapitre concernant le repentir. Et on avait commencé à expliquer l'introduction, la muqaddima de l'Hafidh al-Nawawi, dans laquelle il mentionne que, ou dans laquelle il mentionne trois conditions pour que At-Tawba, pour que le repentir soit accepté. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala mentionne qu'en réalité les conditions peuvent atteindre cinq conditions. On avait expliqué les trois premières conditions lors du dernier cours. On avait dit la première condition al-ikhlasu lillah bi an yakuna qasd al-insan bi tawbatihi wajha Allah ta'ala wa an yatub Allah alayhi ويتجاوز عما فعل من المعصية لا يقصد بذلك مروءة الناس والتقرب إليهم ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه. La première des conditions, on a dit, c'est voué exclusivement son repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la personne, elle, a pour intention dans son repentir la recherche du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et qu'elle ne cherche pas à être vue des gens ou à se rapprocher des gens ou à éviter un mal, etc. Mais elle cherche quoi par cela? Le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala est la demeure dernière, darul akhirah. On a dit la deuxième condition, an-nadmu ala ma fa'ala min al-ma'asiyah, le fait de regretter la désobéissance qu'on a faite. Troisième condition qu'on a détaillée, c'est quoi? An yuqali'a an dhanbi alladhi huwa fihi. وهذا قال شيخ العثيمين من أهم شروطه. Qu'il arrête immédiatement le péché dans lequel il est. Et ça fait partie des conditions les plus importantes. Donc on avait expliqué tout ça en détail, bien sûr. Celui qui veut plus, il revient au cours précédent. Et on continue. أما الشرط الرابع قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى أما الشرط الرابع فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل بأنك لن تعود إلى هذا العمل في المستقبل. La quatrième condition, c'est d'avoir la ferme conviction de ne pas recommencer dans le futur. Tu ne recommenceras pas cette désobéissance ou ce péché dans le futur, c'est ton intention, ta ferme intention. فَإِنْ كُنْتُ عفواً. فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسمع لك الفرصة فإن التوبة لا تصح. Si tu as l'intention de retourner à ce péché, hein, lorsque l'occasion se représentera, alors bien sûr, ton repentir n'est pas valable, n'est pas juste, n'est pas correct. مثل رجل كان والعياذ بالله والعياذ بالله يستعين بالمال على معصية الله يشتري به المسكرات يذهب إلى البلاد يزني والعياذ بالله ويسكر فأصيب بفقر وقال اللهم إني تبت إليك وهو كاذب يقول تبت إليك وهو في نيته أنه إذا عادت الأمور إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول. Comme par exemple un homme, hein, qu'Allah nous en préserve, hein, qui utilise son argent dans la désobéissance d'Allah. Par exemple, il achète des boissons enivrantes, des boissons alcoolisées. Hein. Ensuite, il va dans certains pays et il va le forniquer. Il va faire la fornication et il va se rendre ivre avec les boissons alcoolisées. Hein, puis ensuite, il est quoi ? Il est touché par la pauvreté. La pauvreté le touche, il n'a plus d'argent. Alors il dit, oh Allah, je me repens auprès de toi. Et en fait, il est menteur. Il dit, je me repens auprès de toi, mais dans son intention, dans sa niya, si son argent revient, etc., alors il retournera dans ce qu'il faisait. Il retournera dans les boissons alcoolisées, dans la fornication, etc. فهذه توبة عاجز تبت أم لم تتوب لست بقادر على فعل المعصية لأنه يوجد بعض الناس يصاب بفقر فيقول تركت الذنوب لكن يحدث قلبه أنه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية فهذه توبة غير مقبولة لأنها توبة عاجز وتوبة العاجز لا تنفعه. Donc ça c'est le repentir de l'incapable. Hein? La personne elle s'est repentie ou elle ne s'est pas repentie mais elle n'est plus capable de faire le péché. Elle n'est plus capable de désobéir à Allah. Hein? Tu vois certaines personnes elles sont touchées par la pauvreté. Et donc il dit, à ce moment-là, c'est bon, je délaisse tous les péchés. J'arrête. J'arrête l'alcool, j'arrête de faire la fornication, j'arrête tout. Mais si tu demandes à son cœur, dans son cœur, si ces choses reviennent, si l'argent revient, alors il va revenir au péché. Alors ça, c'est un repentir. C'est un repentir qui n'est pas accepté. C'est un repentir qui n'est pas accepté. C'est le repentir de l'incapable. Hein? C'est-à-dire qu'il se repent parce qu'il est incapable de faire son péché. Mais s'il était capable, il le ferait. Donc ce repentir, sa tawba, elle n'est pas acceptée. Al-shartu khamis an takuna fi zamani taqbal fihi tawba. Fa in taba fi zamani la taqbal fihi tawba, lam tanfa'hu tawba. La cinquième condition pour que le repentir soit accepté, c'est que tu te trouves dans une période où le repentir est possible. Mais si tu te repens dans une période où le repentir n'est pas accepté, alors ton repentir ne va pas être bénéfique, il ne va pas être profitable pour toi. Et vous allez comprendre avec les exemples. وذلك على النوعين النوع الأول باعتبار كل إنسان بحسبه والنوع الثاني باعتبار العموم. Et donc cette condition elle est de deux catégories. La première catégorie concerne chaque individu. Hein, il y a un moment où chaque individu sa tawba, son repentir n'est pas accepté. Et deuxième catégorie, c'est pour tout le monde. Un moment où tout le monde, et personne ne peut se repentir. Amal awwal fala budda an takuna at-tawbatu qabla hulul al-ajal yani al-maut fa in kanat ba'da hulul al-ajal fa innaha la tanfa'u at-ta'ib liqawli Allah ta'ala وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن أولاه ليس لهم توبة. Donc le premier, la première catégorie, on a dit, hein, ça concerne chaque individu. Il y a un moment pour chaque personne précisément, la Tawba, le repentir n'est pas accepté. Hein, ça diffère entre chaque personne. Quand est-ce ce moment? C'est-à-dire qu'il est obligatoire que le repentir, la taouba, soit faite avant que la mort ne vienne. Avant que la mort lui parvienne. S'il se repent après sa mort, alors il n'a aucun bénéfice et son repentir ne sera nullement profitable pour lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'y a pas de taouba, il n'y a pas de repentir, hein, pour ceux qui ont œuvré avec des mauvaises œuvres jusqu'à que la mort parvient à l'un d'entre eux. Et il dit, maintenant je me repens. Ceux-là, ils ne peuvent pas avoir de tawbah. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Également Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères, il nous dit, et lorsqu'ils voient, hein, notre châtiment, ils disent, maintenant nous croyons en Allah seul et nous mécroyons en ceux avec qui on a associé Allah. Mais leur foi à ce moment-là, hein, lorsqu'ils voient notre châtiment, ne leur sera d'aucune utilité. Ne leur sera d'aucune utilité. Donc vous comprenez que la tawbah, pour chaque individu, pour chaque personne, elle a un moment. C'est-à-dire qu'elle doit être faite avant de mourir. Après la mort, la tawbah, elle ne pourra pas être profitable. Et les versets à ce sujet sont très nombreux. أما النوع الثاني وهو العموم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. La deuxième catégorie dans ce sujet, c'est le moment où la tawba n'est pas acceptée pour tout le monde, pour l'ensemble des personnes, pas de différence. Quand est-ce ce moment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et nous a informé, la hijra, le fait d'émigrer d'un pays non musulman à un pays musulman, hein, ne cessera jusqu'à que la tawbah cessera, s'arrêtera. La hijra s'arrêtera jusqu'au moment où la tawbah, le repentir, s'arrêtera. Et le repentir s'arrêtera quand le soleil se lèvera à l'ouest. Quand le soleil se lèvera à l'ouest. Ça veut dire quoi, le soleil se lèvera à l'ouest? Le soleil, il se lève où en ce moment? À l'est. S'il se lève à l'ouest, ça veut dire quoi? C'est la fin du monde. فَإِذَا تَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا لَمْ يَنْفَعْ أَحَدًا تَوْبَهُ. Si le soleil se lève à l'ouest, alors la tawbah ne sera profitable à personne. C'est trop tard. C'est fini. C'est fini. قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, hein, ce jour où viendra certains de nos signes ou certains des signes de ton Seigneur. Alors ici, aucune âme ne pourra profiter, hein, de sa foi et de ce qu'elle a cru avant cela, et ce qu'elle a gagné comme bien de son iman, de sa foi. وهذا البعد هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Et ici, quand Allah Azza wa Jalla dit certains des signes de ton Seigneur, c'est quoi certains des signes? C'est lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, comme l'a expliqué le prophète صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان. Il est donc obligatoire, mes frères, que le repentir soit fait à un temps où la tauba est acceptée. Et si elle n'est pas faite à ce temps-là, alors il n'y a pas de repentir pour la personne. Hein? Malheureusement, on entend certaines personnes qui disent oh, « Plus tard, je vais arrêter. Plus tard, je me repentirai. Quand je serai vieux, je vais commencer la prière. Quand je serai vieux, je vais aller faire le hajj. Hein? Quand je serai vieux, je vais arrêter ces péchés, etc. » Mais qui te dit que tu vas arriver à ce moment-là? Hein? Qui te dit que tu vas atteindre? Peut-être ce soir, tu vas mourir. Et ça sera trop tard. Une fois que tu es mort, tu n'as plus de tauba possible. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم. Ensuite, barakallahu fikum, le shir va mentionner un sujet très important. Écoutez bien et soyez bien attentifs. Est-ce que le repentir, ou plutôt les savants ont divergé sur ce sujet, c'est est-ce que le repentir pour un péché est accepté si la personne continue sur d'autres péchés. Vous avez compris? Une personne qui fait plusieurs péchés, elle fait le repentir sur un péché. Est-ce que son repentir est accepté sur ce péché-là? Les ulama ont trois avis. Les savants d'Islam ont trois avis. أولا منهم من قال إنها تصح التوبة من الذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر فتقبل توبته من هذا الذنب ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال. Premièrement, certains savants ont dit que son repentir est accepté pour ce péché-là, même s'il continue d'autres péchés. Donc son repentir est accepté pour ce péché-là. Et il est toujours transgresseur pour les autres péchés qu'il fait. Vous avez compris le premier avis ? Non. Thaniyan. Wa minhum man qala la tuqbalu at-tawbah min adh-dhanb ma' al-israr 'ala dhanb al-akhar. D'autres savants ont dit sa tauba, son repentir n'est pas accepté pour ce péché tant qu'il continue d'autres péchés. Ça c'est le deuxième avis. Troisième avis, ثالثا ومنهم من فصل فقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل وإلا قبلت. Il dit, le troisième avis, c'est un avis où il détaille. Eux, les savants de ce troisième avis, ils ont détaillé. Il dit, si le péché que tu continues à faire fait partie de la même famille entre guillemets que le péché que tu t'es repenti, alors ton repentir n'est pas accepté. Si c'est deux familles différentes de péchés, alors ta tauba, ton repentir, il est accepté. Et avec l'exemple, vous allez mieux comprendre. مثال ذلك رجل تاب من الربا ولكنه والعياذ بالله يشرب الخمر ومصر على شرب الخمر فهنا من العلماء من قال إن توبته من الربا لا تقبل كيف يكون تائبا إلى الله وهو مصر على معصيته وقال بعض العلماء بل تقبل لأن الربا شيء وشرب الخمر شيء آخر وهذا والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وقال إن تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق. Donc par exemple, un homme s'est repenti d'avoir eu recours aux intérêts bancaires. Aux intérêts. riba. Mais en même temps, il boit de l'alcool, qu'Allah nous en préserve. Et il continue à boire de l'alcool. Certains savants ont dit quoi ? Son repentir concernant les intérêts, riba, n'est pas accepté. Comment il peut se repentir auprès d'Allah et il continue à désobéir à Allah en buvant de l'alcool ? Ils ont dit ça. D'autres ont dit, non, son repentir est accepté. Parce que riba, les intérêts, c'est une chose. Et boire de l'alcool, c'est une chose autre. C'est différent. Et donc, c'est ça que l'auteur ici, Al-Hafidh al-Nawawi, hein, c'est l'avis qu'il choisit quand il dit hein, que sa tauba, que son repentir est accepté hein, d'un péché, malgré le fait qu'il continue un autre péché. Et que ça, c'est l'avis des gens de la vérité. Fahada fihi al-khilaf. بعضهم يقول تقبل وبعضهم يقول لا تقبل أما إذا كان من الجنس مثل أن يكون الإنسان وليعذ بالله مبتليا بالزنا وممتليا أيضا بالاطلاع على النساء والنظر إليهن بالشهوة وما أشبه ذلك فهل تقبل توبته من الزنا وهو مصر على النظر إلى النساء لشهوة أو بالعكس هذا فيه أيضا خلاف فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ تَسِحُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ لَا تَسِحُ التَّوْبَ. Donc c'est ça la divergence entre les savants. Et certains ont dit, son repentir est accepté, d'autres ont dit, il n'est pas accepté. Mais si c'est de la même famille, si le péché fait partie de la même famille, ou de la même catégorie, comme par exemple, un homme, qu'Allah nous en préserve, est éprouvé par la fornication. Il est éprouvé par la fornication avec les femmes. Et il est éprouvé également sur le fait hein, de rechercher les femmes hein, et de regarder les femmes avec désir ou ce qui y ressemble. Est-ce que sa taouba de la fornication, elle est acceptée malgré le fait qu'il continue à regarder les femmes avec désir hein? Ici, donc, il y a la divergence. Certains savants ont dit oui, sa taouba, elle est acceptée. Et d'autres ont dit non, sa taouba n'est pas acceptée. Parce que ça fait partie de quoi ? De la même famille de péchés. Hein ? C'est-à-dire le fait hein, de faire la zina avec les femmes ou de regarder les femmes, etc. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره لكن لا يعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق ولا يستحق المدح الذي يمدح به التائبون لأن هذا لم يتوب توبة تامة بل تاب توبة ناقصة تاب من هذا الذنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق أن يوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق بل يقال هذا توبته ناقصة وقاصرة فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس إنه لا يعطى الوصف على سبيل الإطلاق ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب. Mais ce qui est plus juste, nous dire ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah wa ta'ala, dans ce sujet, c'est que le repentir est accepté. Le repentir est valide, juste. Ni le fait de se repentir d'un péché, malgré le fait qu'il continue d'autres péchés. Naam. Ni al-qawl al-awwal. Mais cependant, attention, il rajoute Mais cependant, on ne donne pas à cette personne hein, le nom d'un repentant hein, total, yani. Hein. Il n'est pas un repentant complet. Pourquoi ? Et il ne mérite pas qu'on lui fasse ses éloges, comme on fait les éloges des repentants. On a mentionné dans le cours de la semaine dernière, quelqu'un qui se repent, etc., hein, on le fait ses éloges. Du fait hein, que c'est quelqu'un qui... Ou plutôt dans le cours dernier, on avait parlé d'autre chose. Non, c'est pas là. Mais ici, le Shir nous dit hein, qu'il mérite, il ne mérite pas hein, les éloges, et donc on ne fait pas les éloges comme on fait hein, aux autres repentants. Non, mais lui, comme ça, son repentir n'est pas complet, on ne fait pas les éloges comme les autres repentants. D'accord ? Pourquoi ? Parce que lui, il n'est pas un repentir complet. C'est pas un repentir complet. Mais c'est un repentir qui est diminué. Il a repenti d'un péché, mais il continue les autres péchés. Son repentir, il n'est pas complet. Il s'est repenti sur ce péché, Tayeb, barakallahu fik. Mais sur les autres péchés, il continue. Donc son repentir, il n'est pas complet, il est diminué. Il s'est repenti de ce péché-là, et donc son péché, il a été effacé. Hein? Mais hein, les autres péchés, ils continuent à être pécheurs, transgresseurs. Donc ils ne méritent pas hein, qu'on le décrive avec un repentir complet, général, global. Mais plutôt, on dit que son repentir, il est diminué. Donc ça, il dit, le shir, c'est la vie hein, qui apaise le cœur. Hein, c'est le fait donc hein, qu'on ne donne pas la caractéristique hein, de repentir total à cette personne, hein, mais son repentir n'est pas interdit et il n'est pas rejeté sur le fait de s'être repenti sur ce péché en particulier. Fahimtoum, c'est clair? Combien de temps il reste? On va essayer de finir l'explication. On est toujours dans l'introduction du chapitre At-Tawbah. قال المؤلف رحمه الله تعالى أن النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي وصدق رحمه الله فإن الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرها وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ensuite, l'auteur du livre, donc Al-Hafid al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, mentionne que les textes dans le Coran et dans la Sunna hein, sont très nombreux hein, et sont apparents hein, concernant quoi ? Concernant l'obligation de repentir pour l'ensemble des désobéissances. Et il a eu raison, ou il a eu juste, rahimahullah ta'ala, en effet, les versets sont très nombreux. Qui incite à se repentir et qui clarifie le mérite de ceux qui se repentissent et la récompense de ceux qui se repentissent. Également, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreux. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَالتَّوَّابُونَ الَّذِينَ يُكْثِرُونَ التوبة إلى الله عز وجل كلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى الله. Et donc Allah Azza wa Jal a clarifié dans son livre Subhanahu wa Ta'ala qu'il aimait les repentants et il aimait ceux qui se purifient hein? Et les repentants tawwabun, ce sont ceux qui multiplient toujours le repentir envers Allah Azza wa Jal. À chaque fois qu'ils font un péché, ils se repentent envers Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الجملة ختم الله بها آيتي وجوب غض البصر. طيب. Ensuite, l'auteur mentionne hein, des versets hein, et parmi ceux-ci la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et repentez-vous auprès d'Allah tous ensemble. C'est plus qui m'a demandé ça la semaine dernière hein, quand on dit tous ensemble, c'est pas tout le monde ensemble. C'est toi qui m'as demandé ça, non? C'était la khutbah, non hein? Tous ensemble, yani, pas tous ensemble en même temps, yani, tous, vous tous, repentez-vous auprès d'Allah azza wa jal. C'est vrai qu'en français on peut comprendre les deux. Ô vous les croyants, hein, et ainsi vous atteindrez le succès. Donc ce verset, il vient, en fait, Allah a terminé, ou il a. Naam, il a complété, ou il a terminé, naam, deux versets auparavant, hein, sur l'obligation de baisser le regard. Hein, dans Surat An-Nur. والله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى قوله أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Donc ici en fait Allah Azza wa Jal il mentionne dans Sourate An-Nur deux versets dans lesquels il dit au sens approché: ô vous les croyants, baissez vos regards et soyez chastes, yani préservez vos parties intimes, soyez chastes, et ceci est plus pur pour vous, et certes Allah est informé de ce que vous faites. Et dit, yani ya Muhammad, dit aux croyantes de baisser leurs regards et d'être chastes, yani qu'elles préservent leurs parties intimes. Hein? Et ensuite Allah Azza wa Jal mentionne hein, le fait hein, là ici le shir il a coupé le verset parce que le verset est long, il y a des jusqu'à la fin du verset, mais dans le verset dans Sourate An-Nur hein, c'est le verset où Allah Azza wa Jal demande aux croyantes de rabaisser sur elles hein, leur voile, leur grand voile hein, et de ne pas montrer leur beauté et leur atout hein, à autre que leur mari, leur père, le père de leur mari, leur fils, hein, le fils de leur mari, hein, leur fils de leur frère, le fils de leur sœur, etc., etc. Jusqu'à la fin du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, et dit aux femmes hein, qu'elles ne frappent pas leurs pieds afin que les gens hein, devinent hein, ce qu'elles cachent comme beauté, hein. Par exemple quand elles ont des bracelets aux pieds et le fait de frapper ça va faire du bruit et ça va attirer les hommes, d'accord. Et donc à la fin de ce verset il dit wa tubu ilallah, et repentez-vous hein, chacun de vous, c'est mieux ça, chacun de vous hein, chacun de vous auprès d'Allah, envers Allah Azza wa Jal, hein, ô vous les croyants, si vous, et ainsi vous atteindrez le succès. ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفرج، لأن غض البصر يعني قصره وعدم إطلاقه، ولأن ترك غض البصر وحفظ الفرج كل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء وأسباب البلاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Donc dans ces versets, il y a une preuve sur l'obligation du repentir, hein, du repentir dans le fait de ne pas baisser le regard, et dans le fait, quand on dit baisser le regard, hein, envers les femmes, et le fait de ne pas préserver ses parties intimes, ne pas être chaste. Bien sûr, ici, hein, ça vaut pour les hommes et pour les femmes. Les hommes doivent baisser leur regard et les femmes doivent baisser leur regard. Hein? Car le fait hein, de ne pas délaisser, hein, le fait de baisser le regard et de préserver hein, ses parties intimes, hein, ceci est une cause hein, à la perdition. Ceci est une cause de la misère. Ceci est une cause hein, de grande épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai pas laissé une fitna, ni un trouble après moi plus grave que pour les hommes que les femmes. Et il a dit également, et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, muttafaqun alayhi. Également il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, est certes le premier trouble hein, qu'a touché Bani Israël, c'est quoi? C'est les femmes. C'est les femmes comme l'a rapporté l'imam Muslim. ولهذا كان أعداؤنا أعداء الإسلام بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء يدعون إلى تبرج يدعون إلى الاختلاط المرأة بالرجل يدعون إلى تفسخ في الأخلاق، يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله، لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إنما تكون في النساء. Et c'est pour ça, nous dit le Cheikh, que nos ennemis, hein, les ennemis de l'islam, mais plutôt les ennemis d'Allah Azza wa Jal, les ennemis de son messager, parmi les Yahoud et les Nasara, et les associateurs, et les communistes, et ceux qui leur ressemblent, et ceux qui les suivent, hein, tout cela, ils mettent tout en œuvre, afin de troubler les musulmans avec les femmes. Ils appellent les femmes à se dévêtir. Ils appellent les femmes à se mélanger avec les hommes. Ils appellent, hein, au mauvais comportement. Ils appellent avec leur langue. Ils appellent avec leur stylo et avec leurs écrits, yani avec leurs œuvres. Qu'Allah nous en préserve. Car ils savent. Parmi les grands troubles, les grandes épreuves que l'être humain oublie son Seigneur et sa religion, c'est quoi ? C'est les femmes. C'est quoi ? C'est les femmes. Ils le savent et ils en profitent. Regardez mes frères, ouvrez les yeux. Regardez les pays occidentaux qui appellent les pays musulmans ou les femmes des pays musulmans à se révolter, à se dévoiler, à sortir, à se mélanger avec les hommes, à être comme des hommes. Regardez ces appels, que ce soit dans les réseaux sociaux, ou que ce soit dans les journaux télévisés, ou que ce soit dans des séries et autres. Ils appellent la femme à se dévergonder. Ils veulent que la femme musulmane se dévergonde, comme leurs femmes à eux se sont dévergondées. Et ce qui a causé l'anarchie et le chaos et la perversité dans leur société. Ils veulent les mêmes choses dans les sociétés musulmanes. Car ils savent que s'ils déstabilisent la femme, ils savent que s'ils sortent la femme de chez elle, s'ils sortent la femme de la pudeur, s'ils sortent la femme de la chasteté, ils vont déstabiliser la société tout entière. Comme ça s'est passé. Regardez l'histoire, mes frères. Regardez l'histoire, dès que la femme est sortie de sa maison, a commencé à se dévêtir, à se comporter comme des hommes, à vouloir travailler comme les hommes, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Les sociétés ont été déstabilisées, la perversion a été répandue, la fornication, les viols, hein, les enfants qui ne connaissent pas leur père. A'oudhou billah. Malheureusement, on ne peut pas finir, on va s'arrêter là. On finira la semaine prochaine, Inch'Allah, la fin du chapitre. Et on commencera les premiers hadiths que l'auteur a mentionnés sur Tawbah. Fa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.